casse plus. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Attends. Exemple signature. Attends. 1916. De Claude François. Ces variations, c'est un peu, ça ressemble vachement. Après, tu peux rajouter des accords. Oh, le salaud. 6 millions d'euros. Ça devient chiant mon truc, j'arrête.